petit client, demande des crédits, car je veux devenir riche, mais on me complique, parce que je n'ai pas d'argent, oh si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème, argent appelle l'argent. Sa villa et sa voiture, car celui qui est riche, comme un bruit.